Merci Dominique Lelièvre pour les informations. En ce mercredi 11 janvier aujourd'hui, on apprend que l'autoroute Henri IV figure parmi les plus congestionnées au pays, selon un rapport du CAA Québec dévoilé ce matin. Le tronçon d'Henri IV entre le chemin des Quatre Bourgeois et le boulevard du Versant Nord figure au 17e rang des routes les plus congestionnées à l'échelle du pays. Québec est d'ailleurs la seule ville de taille moyenne à figurer dans ce classement. Rappelons que le gouvernement projette d'élargir Henri IV d'ici 2024. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a tenu une conférence de presse pour la première fois depuis son élection. Répondant aux journalistes pour la première fois depuis l'été dernier, il a dit ne pas croire les informations à l'effet que la Russie détiendrait des documents compromettants à son endroit. Il a toutefois admis que les Russes avaient procédé à des piratages pendant la dernière campagne électorale. It's all fake news. It's phony stuff. It didn't happen. And it was gotten by opponents of ours. As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by other countries. Dans son discours, M. Trump a mis l'accent sur la création d'emplois, saluant les récentes annonces de Ford et de Fiat Chrysler. Il a réitéré qu'il allait construire un mur avec le Mexique et que ce dernier pays allait rembourser. Les routes ont devenu de véritables patinoires ce matin à Québec en raison des averses de pluie. La police de Québec rapporte 17 collisions et sorties de route. De son côté, la ville mentionne qu'elle va procéder à une opération déneigement la nuit prochaine et que le stationnement sera donc interdit dans tous les arrondissements. Enfin, la SAQ procède à une deuxième vague de baisse de prix. Dès aujourd'hui, les prix de quelques 1600 bouteilles vont diminuer d'au moins 40 cents, ce qui s'ajoute à la première diminution instaurée en novembre. Par voie de communiqué, le président Alain Brunet affirme que cette révision vise à répondre à la demande des consommateurs et qu'elle fait suite à de bons résultats obtenus pendant la période des fêtes. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Cet après-midi à Québec, c'est généralement nuageux avec des températures à la baisse qui vont atteindre 0 degré. Environnement Canada a levé son avertissement de vent. Ces derniers resteront toutefois bien présents avec des vents à 30 km/h et rafales à 60 cet après-midi. Ce soir, cette nuit, de la pluie intermittente et des vents toujours assez vigoureux. De la pluie intermittente demain aussi avec 4 degrés et retour du soleil vendredi avec moins 7 degrés. La fin de semaine s'annonce également ensoleillée.